Deux années tranquilles, sans aucun événement, passèrent dans la préoccupation incessante de l'enfant. Au commencement du troisième hiver, on décida qu'on irait habiter Rouen jusqu'au printemps, et toute la famille émigra. Mais, en arrivant dans l'ancienne maison abandonnée et humide, Paul eut une bronchite si grave qu'on craignit une pleurésie, et les trois parents, éperdus, déclarèrent qu'ils ne pouvaient se passer de l'air des peuples. On l'y ramena dès qu'il fut guéri. Alors commença une série d'années monotones et douces. Toujours ensemble autour du petit, tantôt dans sa chambre, tantôt dans le grand salon, tantôt dans le jardin, il s'extasiait sur ses bégaiements, sur ses expressions drôles, sur ses gestes. Sa mère l'appelait Paulet par câlinerie. Il ne pouvait articuler ce mot et le prononçait Poulet, ce qui éveillait des rires interminables. Le surnom de Poulet lui resta. On ne le désignait plus autrement. Comme il grandissait vite, une des passionnantes occupations des trois parents, que le parent appelait ses trois mères, était de mesurer sa taille. On avait tracé sur le lambris, contre la porte du salon, une série de petits traits au canif indiquant de mois en mois le progrès de sa croissance. Cette échelle, baptisée échelle de Poulet, tenait une place considérable dans l'existence de tout le monde. Puis, un nouvel individu vint jouer un rôle important dans la famille. Le chien Massacre, négligé par Jeanne, préoccupé uniquement de son fils. Nourri par Ludivine et logé dans un vieux baril devant l'écurie, il vivait solitaire, toujours à la chaîne. Paul, un matin, le remarqua et se mit à crier pour aller l'embrasser. On l'y conduisit avec des craintes infinies. Le chien fit fête à l'enfant, qui beugla quand on voulut les séparer. Alors, Massacre fut lâché et installé dans la maison. Il devint l'inséparable de Paul, l'ami de tous les instants. Ils se roulaient ensemble, dormaient côte à côte sur le tapis. Puis bientôt, Massacre coucha dans le lit de son camarade, qui ne consentait plus à le quitter. Jeanne se désolait parfois, à cause des puces, et tante Lison en voulait au chien de prendre une si grosse part de l'affection du petit, de l'affection volée par cette bête, lui semblait-il, de l'affection qu'elle aurait tant désirée. De rares visites étaient échangées avec les Briseville et les Couteliers. Le maire et le médecin troublaient seuls, régulièrement, la solitude du vieux château. Jeanne, depuis le meurtre de la chienne et les soupçons que lui avait inspirés le prêtre lors de la mort horrible de la comtesse et de Julien, n'entrait plus à l'église, irritée contre le Dieu qui pouvait avoir de pareils ministres.